Mais je sais que là, il y a des gens qui vont, je l'ai déjà dénoncé, se servir de l'attentat pour dire, ah là, faut pas trop critiquer Pauline, vous allez exciter les fous puis les fanatiques. Moi, je, no way. Ça a rien à voir. Ça relève pas de la politique. Même t'entendre dire ça, c'est comme pas croyable. Ben non, mais je le sais. Ben, mais c'est déjà commencé, les radios poubelles, là. Il y en a qui nous mettent au banc des accusés avec Bain, là. Je sais, effectivement. C'est de votre faute, puis là, hey, moi, j'embarque pas là-dedans, pas pantoute. On va continuer à le faire de façon civilisée, sans attaque personnelle, sans diffamation, mais on a le droit, voyons donc. T'en parles, parce que moi, c'est une des choses qui m'a le plus choqué hier venant des syndicats. Je sais pas si tu l'as lu, l'information comme quoi qui accusait les radios poubelles. Là, c'est entre autres le côté de la CSN, le président Louis Roy qui disait il va falloir que tout le monde prenne conscience de l'impact qu'ont les radios poubelles et certains chroniqueurs qui attaquent les politiciens. Ça provoque la haine et c'est devenu inacceptable. C'est dans le dossier des fusillades. Hein? C'est lui qui a dit ah, ça. Ben, là. Breaking news, on m'a tassé mon affaire. J'ai de quoi à dire sur Marois parce qu'elle a dit de quoi à une journaliste de la presse que je trouve épouvantable. On en parlera tantôt, puis je vous jure comme, que je vais en parler pareil. Mais commençons donc là-dessus. Oui? Parce que hier, effectivement, on a mis José sur le dossier. J'ai dit José, check down en journée. Les dérives possibles, les dérapages suite à l'attentat. Comment on va essayer d'associer des gens aux malades, aux fous, là? On va essayer de les mettre au banc des accusés, puis de se servir de ça pour faire de la politique, puis du capital, puis essayer mais peut-être de protéger... Ça a commencé avec le Parti conservateur du Québec. On en avait parlé dans l'émission hier, là, bon, qui disait que c'était un peu la faute à Pauline Marois, là, si, c'est innocent, ça. Ce qui est arrivé. Là, je dirais que c'est la faute de Marois, rapidement. C'est innocent. Puis là, il y a les grandes organisations syndicales du Québec là, qui étaient là pour justement parler de Pauline Marois à la tête du PQ puis le gouvernement minoritaire. Mais à un moment donné, par rapport aux attentats, c'est exactement, je cite là, les propos du président Louis Roy de la CSN. Il va falloir que tout le monde prenne conscience de l'impact qu'ont les radios poubelles et certains chroniqueurs qui attaquent les politiciens. Il y en a plusieurs qui provoquent la haine et c'est devenu inacceptable. Est-ce que je